La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Son atelier, un petit peu comme celui de Giacometti, est devenu légendaire. Francis Bacon n'en avait pas changé, malgré ses succès. En dépit de sa taille réduite qui l'obligeait à peindre ses triptyques panneau par panneau, sans jamais pouvoir les voir ensemble. Au sol, des centaines de photographies et de pages arrachées à des magazines, formées comme un humus fertile à son imagination, d'où il faisait émerger ses œuvres que nous allons tenter d'approcher ici jusqu'à jeudi. Jeudi, nous aborderons Bacon à travers deux de ses amis et admirateurs, l'écrivain Michel Léris d'abord, dont viendra nous parler Pierre Villard, puis le poète Jacques Dupin, dont Dominique Viard nous entretiendra. Mercredi, nous serons dans l'exposition Francis Bacon, actuellement donc au Centre Pompidou, en compagnie de son commissaire Didier Ottinger, ainsi que de l'écrivain Yannick Hennel. Enfin, demain, nous tenterons de parcourir l'œuvre et d'en déceler les grandes lignes de force. Ce sera avec le critique d'art Philippe Dagen. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour notre première émission biographique, nous sommes en compagnie de Yves Perret, poète, écrivain, essayiste, conservateur général honoraire des bibliothèques. Il a surtout été l'ami de Francis Bacon et publie chez Gallimard un ensemble de 7 études, à la fois philosophiques et littéraires, sous le titre générique de « Francis Bacon ou la mesure de l'excès ». Avec lui, nous allons donc tenter de raconter sa vie, que Bacon jugeait lui-même irracontable. Écoutez. Vous savez, c'est ce qui est difficile. Je ne peux pas raconter ma vie parce que je fais toutes sortes de choses dans ma vie avec que j'aurai beaucoup d'ennui. Alors c'est à cause de ça que même je ne peux pas écrire mes mémoires. Et bonjour Yves Perret. Bonjour. Francis Bacon est un individu à part, c'est ce que vous dites dans votre introduction de Francis Bacon ou la mesure de l'excès. Il ne ressemble à personne, à très peu comme individu, à nul autre comme artiste. Qu'est-ce qui le rend différent ? Ce qui le rend différent, c'est d'une part pour ce qui est de l'homme, la force de ses convictions, en même temps que les nuances qu'il apporte toujours. Il est toujours à la fois très puissant dans ses analyses, dans ses récits, même dans ses récits de soi-même, de tout, et en même temps plein de nuances. Sa phrase parfois se suspend comme ça, comme quelque chose qui se chercherait. Et en même temps, il est très sûr de ce qu'il va dire et de ce qu'il va... Par son œuvre, il est aussi quelqu'un d'assez unique, car dans une époque où l'abstraction prédominait, il revient à une figuration délibérée, mais cette figuration, il lui donne un sens extrêmement ambitieux. C'est-à-dire, il ne veut qu'elle soit ni illustration, ni narration. Il exagère même le défaut de narration. Et il veut qu'elle soit, au fond, le rendu de la réalité de manière elliptique. Alors Francis Bacon n'aimait pas tellement parler de lui, il n'aimait pas tellement qu'on raconte sa vie, c'est pourtant ce qu'on va essayer de faire un petit peu aujourd'hui avec vous, Yves Perret. Il disait « ma vie entière passe dans ma peinture ». Est-ce qu'il vous l'a dit à vous aussi ? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'était non seulement un fait qu'il disait, mais c'était un fait que l'on constatait. C'est-à-dire que sa peinture était sa vie, certes profondément métamorphosée, mais toute sa peinture, des premières époques aux dernières, ce sont les mouvements mêmes de sa vie. C'est son journal, sa peinture ? Ce serait beaucoup dire. Ce sont des instants forts dans sa vie. Par exemple, dans l'Irlande de son enfance, dans ses voyages, dans les réalités, dans ce qu'il affronte, les hommes, les animaux, les paysages. Tout rentre dans sa peinture. C'est-à-dire toute sa vie est dans sa peinture, y compris même ses débordements existentiels dont on a tant parlé. Mais ça, c'est peut-être ce qu'il racontait aux journalistes. Mais vous qui le connaissiez personnellement, peut-être qu'il vous parlait davantage de sa vie. Oui, il était... C'est-à-dire que Bacon était pas quelqu'un qui disait tout. Il savait très bien à qui il avait affaire. Et notamment, par exemple... Moi-même, comme j'étais un peu un créateur, en quelque façon, et lui aussi, on parlait plutôt de la création. Et il évoquait tout ce qui pouvait expliciter sa création, y compris des faits personnels, mais il éludait le reste. Le reste ne l'intéressait plus, puisqu'il était dans le processus de création, comme énigme. Mais vous allez nous dire, Yves Perret, que beaucoup de sa biographie passait tout de même par sa peinture. Ce qu'il n'aimait pas, c'était la mise en récit. Il n'aimait pas, de manière générale, le récit. Oui, il détestait surtout le roman. Le récit, si c'était un récit où quelqu'un s'engageait profondément, comme Léris ou comme Conrad, il était pour ce récit-là. Ce qu'il n'aimait pas, c'était la narration délibérée, voulue. Il voulait quelque chose de plus subtil que ça. Et lui-même, au fond, ce que je crois qu'il tentait, c'était de restituer tous les instants, mais rien que l'instant, avec une grande violence et aussi une grande tendresse. Il y avait chez lui toujours des contradictions. Et notamment, il pouvait être très violent dans sa peinture, j'entends, et très tendre dans sa peinture. Alors Bacon disait que les vrais artistes, les grands artistes, sont ceux qui sont restés proches de leur enfance. Quelle était l'enfance de Francis Bacon? À quoi a-t-elle ressemblé, Yves Perret? L'enfance de Bacon, elle est intéressante parce que d'une part, c'est un Anglais qui vit en Irlande, où son père élève des chevaux de course, et c'est un ancien officier de l'armée anglaise, et là, Bacon va vivre, c'est assez drôle, il vit dans un monde d'écuries, et quand il aura son dernier atelier, Rhys Mews, ce sont les écuries londoniennes. Donc il reviendra à son point de vue. Un jour, je le lui ai dit, et il a ri de ça, parce qu'effectivement, la boucle était bouclée. Bacon est donc un Anglais qui vit en Irlande, et qui va être marqué par différents aspects, notamment son asthme, et qui le prive de l'école. Mais ça en fera un homme qui aura des précepteurs pour partie, qui se formera lui-même en large mesure, c'est un autodidacte à beaucoup d'égards. Et aussi, des choses vont le frapper. Dans son enfance, notamment, il y a une maison qui lui plaît énormément, qui était un peu ronde. Les pièces étaient un peu rondes, arrondies. Et dans tous ces grands tableaux, la structure de la scène, puisque les choses se passent comme sur une scène de cirque, de théâtre, eh bien, c'est aussi le souvenir de cette maison d'enfance. Son père avait essayé d'épouser la sœur de sa mère et la sœur l'a refusé, mais donc il s'est rejeté sur la sœur et qui avait beaucoup d'argent. Il a épousé pour son argent et ils sont allés en Irlande parce que c'était moins cher d'élever les chevaux en Irlande qu'en Angleterre. Donc ils étaient dans une, oui, un peu esselé dans l'Irlande de l'époque. Son père était un homme plutôt autoritaire et acariâtre. Donc ils n'avaient pas beaucoup d'amis et Bacon le décevait parce qu'il n'avait pas le père trouvait qu'il n'avait pas la force virile, n'est-ce pas, qu'il aurait souhaité dans un fils. Il ne savait pas que de tous ses fils et peut-être de toute cette famille, c'était Francis le plus résistant, le plus dur et le plus viril. Connu le français parfait du biographe de Bacon, Michael Pepiat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de francophones. On va le voir toute cette semaine dans l'entourage de Francis Bacon. Qu'est-ce qui ressort finalement du rapport de Bacon à ses parents, dont on a le sentiment qu'il y a entre eux un immense fossé? Il y avait un immense fossé, une mésentente très grande, mais qui doit être nuancée. Bacon dit souvent, il disait, il avait l'habitude de dire qu'il n'aimait pas sa famille. Mais au fond, son père, qu'il avait chassé quand il avait découvert qu'il était homosexuel, l'avait chassé du foyer, en fera son seul héritier. Sa mère, lorsqu'il est chassé par son père, lui donne un peu de quoi vivre à Londres, alors qu'il est un adolescent. Et plus tard, quand sa mère et ses sœurs seront installées en Afrique du Sud et au Zimbabwe, il leur rendra visite plusieurs fois, ce qui l'éblouira, parce que notamment la savane, les singes, tous les animaux, l'Afrique le fascine pour cette frénésie de vivre qu'il y a dans les animaux et dans la végétation. Bacon, pour autant, n'aimait pas sa famille. Il reviendra peu à peu dessus, ça le marquera plus qu'on ne croit, mais il avait une distance. La seule personne avec qui il s'entendait, c'était sa cousine, à peine plus âgée que lui, Diana Watson, dont il fera un tableau absolument splendide, un manifeste de peinture, le portrait de Diana Watson. Et c'est la seule personne qui l'aimait dans sa famille. Donc vous sous-entendez que peut-être il y a une part de légendaire aussi, perpétuée par Francis Bacon lui-même, dans son rapport avec ses parents ? Oui, il y a une part... C'est-à-dire, c'est la vérité. Je pense qu'il a souffert de ses parents, de ce qu'ils étaient, de ce que lui était, de ce qu'eux étaient. Ça c'est sûr, mais ça s'est corrigé avec le temps. Ça s'est corrigé avec le temps. C'est devenu différent. C'est devenu différent parce qu'il a bien vu que son père, qu'il ne l'aimait pas parce qu'il est homosexuel et artiste, en avait fait son seul héritier. Il ne pouvait pas l'ignorer au détriment. Alors, on n'a pas dit que Francis Bacon était né le 28 octobre 1909, à Dublin donc. On l'appelle Francis Bacon, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce nom Francis Bacon, ça ? Nous dit à tous quelque chose ? Bien sûr, mais s'il a dans sa ascendance lointaine... le grand philosophe, mais c'est un ascendant lointain, dont il porte, bien sûr, le nom, mais le prénom. Mais, évidemment, le lien n'est pas plus que cela. Lui-même l'a dit, il s'est exprimé là-dessus, assez clairement. Donc lui-même ne revendique pas cette ascendance ? Non. Non, il ne la critique pas, elle est là. Effectivement, quand on est le descendant de quelqu'un, on est le descendant de quelqu'un. Alors on attribue un certain nombre de pièces de Shakespeare à Francis Bacon, donc l'ancêtre. L'ancêtre. Est-ce que Francis Bacon, qui lisait lui-même des pièces de Shakespeare, a pu tout de même fantasmer, selon vous, sur cette ascendance ? Je ne crois pas qu'il ait fantasmé sur cette ascendance. Il a fantasmé sur Shakespeare. Et il adorait Shakespeare, comme il adorait, en général, la littérature anglaise de l'époque métaphysique ou de l'époque élisabéthaine. Ça, oui, il avait pour les poètes, comme pour les dramaturges de cette époque, une fascination... qui, au fond, était toute chose égale. Les poètes le faisaient penser aux poètes français qu'il aimait tant, ou aux poètes anglais qu'il aimait tant plus récents. Et les dramaturges, pour lui, c'était l'équivalent d'Eschyle ou de Sophocle. Alors, dans l'arbre généalogique, il y a aussi une arrière-grand-mère qui, paraît-il, comptait parmi ses nombreux amants Lord Byron. C'est vrai, ça, vous croyez ? C'est probable. De toute façon, comme disait Bacon lui-même, il admirait beaucoup Byron. Il était très calé en littérature. Et par exemple, un jour, il m'a dit, sachant que j'admirais moi-même Ezra Pound, il m'a dit quelque chose que seul un Anglais pouvait dire. Il m'a dit, au fond, Ezra Pound, dans certains de ses passages, c'est l'un... des poètes les plus à même d'exprimer la tonalité la plus pure de la langue anglaise. Ce qui était vrai, du reste. Ce qui était vrai. Mais Bacon le ratifiait. Il avait grande admiration pour Pound comme pour T.H. Eliot. Et il admirait beaucoup le manuscrit de The Vast Land de Eliot annoté par Pound. Il admirait ça beaucoup parce que ça réunissait deux hommes qui lui parlaient. Voilà. Et le rapport à Byron, est-ce qu'il y a des points communs dans ces deux trajectoires, dans ces deux personnalités ? Il admirait Byron, par exemple, la natation de Byron à Venise le fascinait. Enfin bon, c'est une chose qu'il m'a dite. Il admirait beaucoup que Byron puisse aller, ça le faisait rire du reste, aller du Lido à la ville même, à la nage. Il y a une autre personnalité très importante, il y a les parents, il y a les ascendants, mais, et c'est un peu plus inattendu, il y a aussi la bonne d'enfant, qui s'appelait Jessie Lightfoot, pied léger. Quand Francis Bacon naît, elle a 39 ans, elle fait quasiment partie de la maison. Ils vont rester tous les deux très proches, à un point assez incroyable. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire, Yves Perret ? Oh oui, c'est une histoire très belle. C'est l'histoire, au fond, d'un amour, d'un véritable amour. Bacon admirait et aimait énormément sa nourrice. C'était pour lui une personne qu'il idolâtrait. Et en réalité, il ne l'a pas portraiturée. Mais quand il a fait le fameux portrait de 58 qui représente finalement la nurse dans le cuirassé Potemkin, il pense, et ça je lui ai dit, et il m'a ratifié que c'était vrai, il pense que c'est sa nourrice qu'il peint aussi, il le sait ça. Et cette femme l'a suivi à Londres quand son père l'a chassé. C'est quand même assez incroyable. C'est assez incroyable, il faut bien dire. Mais mieux que ça, cette femme l'a suivi à Monaco quand il s'y est installé plus tard. Avec l'un de ses amants. Et elle l'a suivi là pour le servir encore. Elle est revenue avec Francis Bacon à Cromwell Place, quand il habitait ce magnifique lieu qui était son atelier splendide, qu'il a quitté. Et il a quitté cet atelier merveilleux de Cromwell Place parce que sa nourrice est morte. Et il m'a dit tel quel qu'il ne pouvait pas y rester. Mais c'est un des plus beaux lieux du monde parce qu'un monde était fini. La nourrice étant morte, lui s'en allait. Et puis cette femme, qui a donc 40 années de plus que lui, c'est ça, va partager avec lui et ses amants aussi de l'époque, comme un peu un couple presque à trois, les moments de pauvreté, les moments où il faut aller voler dans les magasins parce qu'on n'a pas d'argent. Oui. Donc c'est quand même une relation tout à fait incroyable. C'est une relation d'une immense proximité. Oui, oui, oui. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors Yves Perret, est-ce qu'il ne faut pas dire aussi que Francis Bacon, né en 1909, est un enfant de la Première Guerre mondiale, même si il est très jeune quand elle se déroule, son père a été militaire, ça doit être forcément quelque chose de très présent dans la famille? Oui, c'est quelque chose de présent, mais au fond, les difficultés des guerres sont toujours présentes. Et en général, Bacon considère que la vie est elle-même d'une violence inouïe et que ses tableaux à lui sont très faiblement violents en comparaison de la vie même. Il est certain que les guerres, les régimes totalitaires, le sacrifice font penser à Bacon à des outrances, mais à des outrances qui ont déjà existé et qui ont existé chez Shakespeare, chez Eschyle, chez Sophocle. C'est-à-dire qu'il a, au fond, et qui surtout sont aussi présentes dans la crucifixion, le Christ lui-même est le grand sacrifié. Il y a chez Bacon une hantise et une volupté du sacrifice et du martyr qui sont très importantes. Et les guerres ne peuvent que raviver cela, c'est-à-dire qu'elles explicitent, au fond, les craintes ou les désirs de Bacon. Alors, on a beaucoup insisté sur le sadomasochisme de Francis Bacon. Il faut raconter que, durant son enfance, il se faisait frapper, sur ordre de son père, par les palefreniers. Ça aussi, ça peut peut-être faire partie de ce qui a déterminé plus tard quelque chose dans sa peinture. Est-ce que vous le croyez, Yves Perret ? Ça a déterminé en partie, peut-être moins sa peinture elle-même que son rapport aux hommes lorsqu'il a été un adulte. Et il en confie dans la peinture des éléments extrêmement importants, notamment les très grands tableaux de couples d'hommes qu'il tire d'une photo de Muybridge, les lutteurs, et qu'il va à plusieurs reprises, au fond, les lutteurs de Muybridge deviennent des hommes en train de copuler. Mm-hmm. C'est ça, c'est le tableau de 53, le tableau de 54, qui sont des tableaux extraordinaires de ce fait-là, et où la violence, le masochisme, le sadisme sont là, tout en étant dans une beauté de ton, de tonalité, des blancs légèrement bleutés, avec des roses inouïes. Tout ça est absolument incroyable parce qu'on est dans cette contradiction qui est une tension plus qu'une contradiction chez Bacon, qui est que la violence et la tendresse s'épousent mutuellement. Mais je ne sais pas, je pense que tout ça vient de sa vie d'homme, mais que cette vie d'homme elle-même vient de cette vie enfance, ça c'est sûr. Et de son adolescence aussi, parce que son père qui l'a envoyé près de Dublin pour passer des études dans un pensionnat, ne pensait pas qu'en fait c'est surtout les garçons qui l'y découvriraient, et ils n'apprendraient pas tellement finalement autre chose que la sensualité. Oui, c'est sûr, là il y a un malentendu. Le père à plusieurs reprises a voulu, quand il l'a confié à un parent pour aller à Berlin, ça a été la même chose. C'est-à-dire que... Pensant éduquer son fils, il n'a jamais renoncé, finalement, cet officier britannique, à éduquer son fils. Et il a toujours échoué. Je reviens quand même à la question de la guerre et de la violence, parce que... Tout de même, quand on grandit en Irlande, à cette époque-là, cette première partie du XXe siècle, il y a évidemment les troubles politiques, il y a l'IRA, lui-même est anglais. Quel souvenir finalement de cette atmosphère qui devait, d'une manière ou d'une autre, lui être un petit peu hostile, a-t-il eu ? Lui avait de l'Irlande, il ne parlait que très peu. Moi, il m'en a parlé beaucoup, en un sens, mais... C'était pour en dire le bien qu'il y éprouvait. Il a éprouvé en Irlande quelque chose de différent de l'Angleterre, mais il aimait bien aussi l'Angleterre, et comme il les détestait, parce que pour lui, qui était un londonien de South Kensington et de Soho, il aimait aussi les autres territoires, Tanger, Monaco, la France, Paris, toutes ces choses-là. Donc, Mais il a eu en Irlande effectivement une expérience assez nette d'emblée d'une certaine hostilité, d'une certaine violence. Mais il n'y avait pas d'hostilité irlandaise vis-à-vis de lui. Je ne crois pas. One's instinct and apprehension is molded by everything that you have looked at and seen before, and that has gone into you rather like a cement mixer, and that helps to form your method of painting. L'instinct, la perception de chacun, est façonné par tout ce qu'on a regardé, tout ce qu'on a vu auparavant, et qui est entré en vous, à peu près comme dans une bétonneuse, pour venir vous aider à fabriquer votre manière de peindre. Est-ce que l'art était présent déjà dans l'enfance et dans l'adolescence de Francis Bacon ? Est-ce qu'il lisait ? Est-ce qu'il avait la possibilité de voir des images, de la peinture ? Il était d'emblée un lecteur. Il a été très vite un lecteur. Il a toujours été lecteur, toute sa vie. Il annotait, il dépouillait les livres avec une grande... avec une volupté, même avec une force. Donc les parents avaient une bibliothèque quand même conséquente. Hein. Oui, et puis lui-même s'est procuré très vite. Dès qu'il a quitté, il s'est procuré les livres qu'il voulait. Et il les volait au besoin. Il s'est procuré des livres. Et il a regardé des images toujours, des images scientifiques, des images artistiques, tout ce qui pouvait, au fond, répondre... À ses désirs aussi bien que à ce qu'il voyait dans la vie. Et il a retenu, du reste, ces tableaux sont quand même un dialogue entre ce qu'il a vu, ce qu'il a senti et ce qu'il a pensé. C'est cette fameuse métaphore de la bétonneuse qu'il a repris très très souvent. Alors cette métaphore, c'est-à-dire c'est comme si c'était un réceptacle en fait. Un réceptacle, mais un réceptacle qui transforme. Et qui transforme, qui tamise, qui transforme. Et au fond, il y a chez lui quelque chose de très intéressant, que ce soit la première époque ou la deuxième époque, c'est-à-dire l'époque où il fait d'abord les fonds et où il fait surgir les figures, ou l'époque où il fait les figures ensuite, donc à partir de 62, il fait les figures d'abord et il les entoure d'un fond, peu importe. Dans les deux cas, il y a à la fois l'ellipse de l'extrême violence au centre, de la force, du sacrifice, comme on a dit, de la tragédie, probablement, et tout autour, comme une zone de calme ou d'environnement paisible qui vient cerner cette espèce de violence qui se donne. Et il y a chez Bacon quelque chose là qui vient, certes, de la bétonneuse, mais qui est aussi, au fond, son goût de l'instinct. C'est-à-dire, il pense que la pensée est sensationnelle, mais que l'instinct est plus fort, que la pulsion est plus forte. L'instinct et puis la chance aussi, parce qu'il va toujours beaucoup compter sur sa chance. La chance qui est une figure du hasard, c'est-à-dire ce qu'il compte, c'est sur le hasard. Par exemple, quand un tableau est mal parti, il peut très bien prendre une boule de peinture dans sa main et avec un geste d'athlète inimaginable, il lance cette boule avec une grande violence sur la surface. Et d'un seul coup, tout prend forme. Mmh. Et ça, c'est le hasard. C'est ce qu'il aime le plus, c'est ce qu'il appelle l'accident. C'est le hasard, mais ça reste dans l'ordre de la figuration. C'est-à-dire que cette boule projetée sur la toile, elle doit ressembler à quelque chose. Oui, parce qu'après, il l'oriente. Mais si vous voulez, c'est l'accident, ce qu'il appelait l'accident, c'est-à-dire qui est déterminant. C'est-à-dire que rien ne peut être programmé complètement. On ne pense pas. Il y a quelque chose de plus fort que la pensée. Alors que Bacon est un homme de pensée, par ailleurs. Ça, c'est autre chose. Mais quand même, on a l'impression, certes, c'est un homme de pensée, mais il a toujours essayé de le cacher. Oui. C'est comme s'il avait envie de passer pour plus inculte qu'il n'était en réalité. C'était une manière de se protéger, selon vous ? Oui, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était parfaitement cultivé, extraordinairement cultivé même, d'un raffinement total, d'une grande gentillesse, d'une grande finesse. Et on le voyait, peut-être, lui-même désirait-il qu'on le voit un peu autrement. Mais c'était ça, finalement, à certains égards, c'est une coquetterie. Oui, parce que quand il parle de la bétonneuse, évidemment, il fait référence au monde du bâtiment. Oui. Et oui. C'est plus comme un peintre en bâtiment qu'il cherche à se montrer. C'est... Et c'est évidemment très ironique, mais en même temps, il y a peut-être une attirance aussi pour ce côté très physique monde du bâtiment qui, finalement, quand on peint une peinture, peut-être que pour lui, il y avait aussi quelque chose de l'ordre du combat physique. Peindre, c'est un acte physique, de toute façon. Mais il y a chez lui quand même une façon de masquer son extrême élégance, son extrême aristocratie, son extrême... si vous voulez, au fond, il n'est pas le garçon boucher que certains ont pensé, c'est pas parce qu'il peint parfois des viandes ou des bouchers dans ses tableaux. Il a beaucoup regardé les boucheries, en revanche. Ah, il adorait. Mais il était surtout cet homme extraordinairement raffiné qui composait avec les couleurs et les formes de manière sensationnelle. Vos rapports avec Paris, c'était pas seulement des rapports avec une ville, c'était aussi peut-être des rapports avec des expositions, des musées. Ah oui, bien sûr. C'est à Paris que j'ai vu cette grande exposition. Ça, c'était beaucoup plus tard, cette grande exposition de Picasso. C'était en 32-33. Et ça m'a beaucoup ému. C'était peut-être même un peu plus tard. J'oublie maintenant exactement l'année. Et quand je suis sorti de cette exposition, je pensais pourquoi je peux pas essayer à faire la peinture moi-même. Parce que je n'ai jamais étudié la peinture, je n'ai jamais allé dans une école, mais la peinture m'a toujours beaucoup, les arts plastiques m'ont toujours beaucoup ému. Des œuvres sur France Culture. Alors après cette adolescence révoltée dont on a parlé, Yves Perret, le passage à Berlin, où il découvre aussi tous les musées de cette grande ville, qui est aussi la grande ville du cinéma de l'époque. Il découvre le Bauhaus. Il va partir pour Paris, une ville qui l'a toujours attiré parce qu'elle représente l'art à cette époque-là. Que se passe-t-il pendant ces mois passés à Paris, là aussi dans une assez grande pauvreté, mais dans une grande richesse culturelle? Bacon, quand il arrive à Paris, la première fois vraiment importante, c'est-à-dire dans 1929, c'est quelqu'un qui, au fond, va vivre plutôt à Chantilly, dans une famille qui le reçoit. Il va parfaire sa langue française, il va apprendre à s'exprimer en français. Donc au contact d'une femme qui s'appelle Yvonne Bocantin, dont on peut peut-être dire qui elle était. Ben, Yvonne Bocantin, c'était une femme qui a initié Bacon à deux choses. D'une part, maîtriser admirablement la langue française, et d'autre part, elle l'a initié, voyant qu'il avait des dispositions artistiques, elle l'a initié, au fond, à tout ce que les arts plastiques proposaient alors. Elle-même était pianiste et amatrice, grande amatrice d'art. Elle-même, voilà, c'est ça. Elle l'a poussé, au sortir de ce grand moment de Paris, au fond, Bacon, toute sa vie, gardera de Paris, quand on se promenait, par exemple, avec lui dans Paris, il était comme un enfant. Il était heureux. L'air de Paris, pour peu qu'il ait fait beau, était pour lui quelque chose d'exceptionnel. C'était la ville qu'il préférait au monde, et il en connaissait beaucoup d'autres, mais c'était sa ville préférée. Il y a habité. Il a habité rue de Birague un certain temps. Bon, beaucoup plus tard. Pour ce qui est de ce moment très précis et très important, il va devenir décorateur. Mmh. Quand il rentre à Londres, il est décorateur. Alors pourquoi revient-il à Londres alors qu'il aime tant la capitale française? Parce qu'il est obligé, il n'a pas les moyens, à ce moment-là, il a assez peu de moyens, pour tout dire. Et il n'a pas les moyens de vivre plus qu'il ne faut, aussi bien à Berlin et à Paris. Il vit un peu au crochet aussi des gens qu'il rencontre. Bah voilà, il vivait au crochet. Alors, donc, ça il ne veut pas, il rentre à Londres et... La leçon de Paris est double, et elle se fait en deux temps. D'abord, il est le décorateur, très brillant, qu'il a été pendant 3 ans. Puis, ce caractère de décoration qui ne doit pas tant que ça, il doit beaucoup à ses modèles parisiens ou aux modèles viennois, mais il doit à lui-même beaucoup, il est très brillant, très doué. Mais ça le lasse assez vite, parce qu'il trouve que c'est trop facile, qu'il réussit trop bien. En quelque façon. Mais est-ce que ça signifie que la vocation de peintre de Francis Bacon arrive finalement assez tard, puisque si c'est d'abord jusqu'à 24-25 ans de décoration qu'il s'occupe, est-ce que c'est qu'il n'a pas encore conscience, que ne s'est pas encore éveillé en lui sa vocation? Si, lui dira le contraire. Il cachera toujours, parce qu'il a toujours eu cette attitude, de penser que son œuvre avait commencé avec 3 études de figure au pied d'une crucifixion de 44. Mmh. Mais on sait, et lui-même le savait, qu'il avait peint des choses extraordinaires depuis 1928-1929. Donc, beaucoup plus tôt qu'on peut imaginer. Dès Paris, il peint des choses extraordinaires. Il se cherche. Il doit Fernand Léger, il doit Picasso, il doit un certain nombre d'hommes qu'il admire, hein, à d'autres moins importants, mais il doit ces gens-là. Donc ce fameux déclic à cette exposition de Picasso Qui est un peu plus tôt, en réalité, il se trompe un peu sur les dates. Et en fait, ce qui est très drôle, le reste, c'est que c'est une exposition de dessin. C'est une exposition de dessin de Picasso qui le fascine tant. Ouais. Et lui-même en tire des peintures. Mais... Par la suite aussi, il sera très ambigu sur Picasso, où il le haussera énormément, ou au contraire, il l'abaissera considérablement, les deux étant vrais, comme il le fait parfois avec certains. Alors, il y a aussi Roy de Maistre, qui va, lui, à son retour en Angleterre, lui apprendre un certain nombre de techniques purement picturales qu'il n'avait jamais vraiment acquises, étant donné qu'il est un autodidacte. Alors, Roy de Maistre est quelqu'un de très important, on n'en parle jamais. Il n'a porte à Bacon une très grande capacité à maîtriser les techniques. Alors, Roy de Maistre est extrêmement impressionné par le fait que les techniques sont apprises par Bacon avec une facilité dérisoire et que lui les tourne tout de suite en quelque chose qui va beaucoup plus loin. Donc, et tous ceux qui vont essayer de l'aider seront impressionnés par ce côté. Du coup, peut-être l'aspect le plus impressionnant de Francis Bacon, c'est que n'ayant jamais reçu d'éducation artistique, il soit un artiste si brillant et si remarquable dans l'exécution. Étranger à l'académisme par sa formation, celle de quelqu'un qui, devenu peintre après avoir été quelque temps dessinateur d'ameublement, a tout appris par lui-même, Francis Bacon n'est assurément pas un naïf appliqué à élaborer des chefs-d'œuvre artisanaux, mais, au sens étymologique, un autodidacte. Et si l'on en juge par l'originalité abrupte de ce qu'il a produit, un franc-tireur qui, certes, sait rendre hommage à ceux qu'il tient pour de grands maîtres, mais ne se rattache à aucune école. L'art de Francis Bacon, totalement amoral, n'est chargé d'aucun message et ne prétend ni commenter les malheurs du temps, ni refléter la nature intime des choses. Que l'image sortie de sa tête et de ses mains affirme énergiquement sa présence. Un point, c'est tout. Francis Bacon, parlant de sa vie privée, ne cache pas qu'il préfère à toute autre compagnie celle des fripons et des truands. Or, dans son activité d'artiste, il semble effectivement perpétrer sur le réel des sortes de hold-up ou de piraterie. Pour que, sur la toile, le réel soit traduit de façon poignante, ne faut-il pas que le peintre, procédant avec l'audace d'un voleur de feu dont le butin ne saurait être acquis par des voies régulières, empoigne et en quelque façon viole ce qu'il veut représenter ? Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors, comment se passe cette véritable entrée dans la peinture? La première exposition Yves Perret, elle date de 1934. Tout, évidemment, ne va pas de soi. Le Times considère que c'est une exposition ratée. Quelles sont les étapes, finalement, qui le mènent à ce moment-là à la reconnaissance? Les étapes qui le mènent à la reconnaissance sont parfois évidentes. Il y a aussi tout un aspect caché. C'est-à-dire que très longtemps, et toujours, Bacon va choquer, en même temps qu'il va fasciner. Il fascinera beaucoup de gens, et d'autres, il les choquera profondément. C'est d'ailleurs étonnant de voir qu'il ait pu avoir autant de succès en étant si iconoclaste et si choquant. C'est ça. Il était très iconoclaste à certains égards. En réalité, je crois que même le tableau 36 que l'on connaît, tous ces tableaux qui montent jusqu'à... n'auraient peut-être permis de voir qu'un grand artiste, mais peut-être pas l'artiste prépondérant que nous voyons aujourd'hui. C'est vrai que là, même s'il exagère lorsqu'il dit ça, tout commence avec trois études de figures au pied d'une crucifixion en 44. C'est un tel retournement des possibles en peinture que ça ébranle profondément les gens. Qu'est-ce qui ébranle vraiment dans ce tableau ? Mais ce qui ébranle, c'est à la fois tout Bacon est dit. C'est-à-dire la netteté des structures, l'expressionnisme, le mot ne lui aurait pas plu, mais je le risque, l'expressionnisme des figures. C'est-à-dire cette espèce de rapport violent entre la figure et la structure. Et en même temps, les emprunts à l'histoire de la peinture, ou les citations en clin d'œil, mais aussi une force personnelle absolument inouïe. Que Grunewald, ou Masaccio, ou d'autres soient derrière, peut-être, mais c'est surtout Bacon qui est là. Est-ce que c'est du surréalisme, ça? Parce qu'on a l'impression, en le regardant peut-être un peu trop vite, que ça fait partie du courant surréaliste. Il a lui-même souhaité, à une époque, participer à une exposition du surréalisme. Mais ça n'a pas été accepté, et au fond, tant mieux pour lui, il n'était pas du tout dans ce registre-là. Il était dans un réalisme elliptique et perturbé, et pas du tout dans le surréalisme. Mais il y a quand même le rêve qui semble imprégner, tout comme l'inconscient, oui, les peintures de Bacon. Ah, le rêve, oui. Mais le surréalisme, qui est magnifique comme mouvement, n'a pas le monopole du rêve. Et donc Bacon, lui, lorsqu'il prend le rêve avec lui, ou lorsqu'il est pris par le rêve, il est un homme qui structure son rêve. Mmh. Il le structure. Il le structure beaucoup plus que le surréalisme. C'est-à-dire que même ses collages sont pensés de manière presque géométrique. Mmh. Presque géométrique. L'alcool, est-ce que l'alcool joue un rôle dans votre travail ? Je suis presque alcoolique, mais quand même, c'est pas. Il faut se refaire un peu de temps en temps avec l'alcool ou les drogues. My life is a reflection of my work is a reflection of my life. Bon, mais alors justement, votre travail, votre peinture, vos toiles sont un reflet de votre vie. Qu'est-ce que c'est votre vie alors, d'après vous ? Qu'est-ce qui vous hallucine ? Qu'est-ce qui vous fait peur, disons, pour commencer par la peur. C'est pas une question de peur. Moi, j'ai peur. Qu'est-ce que j'ai peur ? J'ai peur de quoi ? J'ai peur de la violence, même que j'ai subi la violence souvent. J'ai perdu tous mes dents avec mes amis. Comment est-ce que ça dans vos toiles, justement, ces dents, on voit des hommes avec des dents, de fausses dents. Est-ce que ça a un rapport? Non, ça c'est une question pour un moment. Je voudrais enregistrer un moment les gens quand ils rient ou quand ils parlent. Oui. C'est simplement ça. Alors, avec les réflexions sur les dents, ça, pour moi, était plus intéressant. C'était une façon de dérompre l'image. Oui. What is more of a visual rivet than the teeth? Like a nail stuck through the heart. What is more near to what is called life is like than the teeth itself? I mean, you know, what is left after you're dead? But your bones and your teeth. Have you seen? Qu'est-ce qui reste en effet de vous quand vous êtes mort que vos dents et votre ossature? Et qu'est-ce que vous feriez d'autre si vous ne faisiez pas de peinture ? Je sais pas. Je serais peut-être criminel. Je sais pas, je ferais... Mais vous feriez quelque chose. I would be... non, je ferais... Moi, je pouvais voler ou quelque chose comme ça. Oui. Quoi faire ? Avant de faire la peinture, qu'est-ce que vous faisiez ? Nada. But Francis... Not this here, Frank. You're on television. Tout de même assez incroyable, Yves Perret, extrait d'une archive de la télévision suisse en 1964. Je ne sais pas si vous avez cette archive en tête, mais à la voir, elle est encore plus folle qu'à l'entendre, parce que on voit tout de suite qu'il est complètement ivre. En effet, il tient un verre dans la main et puis il répond comme ça aux journalistes qui l'interrogent, mais en même temps, il répond vraiment ce qu'il pense, visiblement. Il répond ce qu'il pense, mais aussi, vous savez... Il donne aux gens un peu ce qu'ils souhaitent. Et notamment, il fait un départ très grand, ça il le faisait, je dois le dire, entre les interviews qui étaient destinées à être fixées ou la relation humaine qu'il avait avec ses amis. Ça n'était pas du tout la même chose. Et il était plus catégorique, plus... comment dire, il était plus près de sa propre légende, en fait, qui se construisait avec les interviews, que ce soit à la télévision, à la radio, ou que ce soit avec des gens qui destinaient à publication, ça c'est autre chose. Mais quand il était avec des amis dans la vie, et qu'il se confiait, ou qu'on parlait de soi-même, il était différent, il était plus subtil. Alors, plus subtil, mais différent comment ? Est-ce qu'il y avait un mal de vivre chez lui, comme on a tendance à le croire en regardant ses tableaux ? On va voir toute cette semaine qu'en réalité, il ne faut pas voir uniquement de la violence et de la tragédie dans ses tableaux, et même bien au contraire. Oui. Comment était-il ? Et lui qui se décrivait comme un grand optimiste, se décrivait-il ainsi à destination des journalistes, ou était-il, selon vous, réellement un vrai optimiste ? Il était optimiste, au fond, il avait une force de vivre et un optimisme considérable, mais il était toujours persuadé qu'il faisait mal. C'est-à-dire que sa peinture, son art, ne le satisfaisait en rien. Et au fond, son masochisme allait jusqu'à détruire ses plus belles toiles. Ce pourquoi les marchands les lui arrachaient. Mmh. Parce qu'ils avaient la crainte qu'il fasse une sorte de sacrifice de la toile. Ce qui était vrai Du reste, il est resté de certaines époques, non pas les meilleures toiles, mais des toiles un peu secondaires parfois. Ça a pu arriver. Mais Dieu merci, beaucoup des meilleures toiles sont restées. Il était au fond pas forcément seulement optimiste, il était noir lorsqu'il parlait. C'est-à-dire, il éprouvait le besoin de s'exprimer sur la difficulté qu'il avait à créer et à traduire ce qu'il voulait traduire. Et quand il s'animait par la parole en se confiant, peu à peu, il s'apaisait. Et à la fin, il finissait par être très optimiste. Est-ce qu'il parlait aussi des hommes qui avaient accompagné sa vie, et peut-être d'abord de Eric Hall, dont il faut dire ici un mot, Yves Perret, quelqu'un qui l'a pendant 15 ans soutenu, on peut dire ça? Alors, Eric Hall, c'est lui qui a organisé l'exposition chez un galeriste où il y a eu les trois études de figure au pied de la crucifixion en 1944. Donc il le lance, enfin il contribue à le lancer. Il contribue à le lancer et surtout, il achètera énormément de tableaux à Bacon et il les donnera à la Tate. Ça, c'est très important. Eric Hall joue un grand rôle. Peter Lassie aussi, qui est un tout autre personnage, beaucoup plus violent. Eric Hall est un élu. C'est quelqu'un... C'est un père de famille. C'est un père de famille. Peter Lassie, qui est un héros de la guerre, un aviateur anglais pendant la guerre de 39-45, c'est un personnage qui joue toutes les nuits dans les bars du piano, à Tanger ou ailleurs, et c'est un personnage énigmatique le plus proche de Bacon, le plus fascinant aussi, probablement, de tous ses compagnons de vie, c'est George Dyer. Mm-hmm. C'est George Dyer qui se suicide à Paris au moment de l'exposition du Grand Palais, en 71, mais George Dyer est une sorte de voyou, très élégant par ailleurs, et aussi qui donne l'impression d'une force qu'il n'a pas. Il donnait l'impression d'être un lord jusqu'au moment où il ouvrait la bouche. Là, il avait un accent qui trahissait ses origines. Oui, et puis surtout aussi, il donnait l'impression d'être quelqu'un de très costaud, très fort, comme un athlète, parce qu'il était un boxeur, ça oui. Et en même temps, il avait une fragilité mentale extrêmement importante, ce qui entraînera son suicide, du reste. Alors, c'est pas le seul, d'ailleurs, à s'être suicidé. Je crois que d'ailleurs aussi est mort de mort violente. Non, Peter Lassie est mort autrement que par suicide. Oui, pardonnez-moi, Peter Lassie. Oui. Non, c'est George Dyer qui est mort par suicide. Ouais. Et alors, Eric Hall, c'est aussi une relation presque vaudevillesque, parce que à un moment donné, ils ont une vie qui est presque commune. Ils vont chercher ensemble dans son université ou dans son lycée le fils de Eric Hall, Yvan, qui d'ailleurs dira plus tard que c'est de la faute de Bacon s'il est dans cet état. Dans cet état signifie dans un état mental très dégradé, puisqu'il finira, je crois, à l'asile. Comment peut-on qualifier les relations amoureuses de Bacon? Sont-elles, peut-on le dire, destructrices? Ah, probablement. Ben, c'est difficile. Vous savez, dans les grands tableaux qu'il a fait après la mort de George Dyer, ce qu'on appelle les tableaux noirs, les tableaux sombres, il a bien traduit tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait un sentiment de culpabilité chez Bacon. Mais était-il aussi destructeur que ça? Ce n'est pas sûr. Les gens qui étaient avec lui étaient eux-mêmes très destructeurs, d'eux-mêmes. Alors, vous savez, quand je ne travaille pas, je passe par les bars ou dans les pubs, ce qu'on appelle ici, ou dans les salons de jeu. Alors, je passe mon temps dans toutes sortes de milieux. Et vous êtes très entouré d'amis? J'ai beaucoup de relations, vous savez, mais on ne sait pas avec les amis. On a quelques-uns, si on a de la chance, on a quelques amis. Et les sentiments? L'amour? L'amour, vous savez, quand on est jeune, l'amour est beaucoup plus important que quand on est vieux. Alors, à mon âge, on ne pense pas, voilà, on est heureux que quelque chose arrive, mais... En tout cas, c'est moins important. Mais alors, les rapports que vous avez avec les autres vous gênent ou bien vous les acceptez facilement? Ah non, mais parce que j'aime beaucoup être avec les autres. Je passe mon temps et je suis très... c'est pas le mot en français, concerned. Intéressé dans les gens que j'aime, bien sûr. Mais vous parliez du jeu. Est-ce que le jeu, pour vous, c'est une forme de drogue? Mais c'est un drogue comme l'alcool, je crois. Et vous pouvez témoigner, Yves Perret, de l'importance de l'amitié pour Francis Bacon. Il y a peut-être un certain nombre de noms qu'il faudrait citer ici. Évidemment, Michel Léris, par qui vous avez rencontré Francis Bacon, mais c'est vrai qu'on va en parler longuement jeudi. Erika Bronsen a aussi été une personne très importante pour lui. Ah ben oui, c'était une personne qui s'est sacrifiée, qui a tout fait pour lui, la première. On peut redire qui elle était ? Elle était galeriste, elle était vraiment ce qu'on pourrait appeler quelqu'un qui était un marchand de tableaux d'avant-garde et qui, au fond, était une femme délicieuse d'une part et qui se sacrifiait beaucoup à ses artistes et qui a fait énormément pour Bacon. Elle a même, c'est elle qui a vendu au MoMA, le fameux tableau peinture de 46, c'était la première achat, au fond, officiel. Et aux États-Unis, en plus, c'était très important. Et quand Bacon a quitté Erika pour aller à la Marlborough, il a bien fait d'un point de vue objectif, mais c'était terrible d'un point de vue personnel. Mais ils sont restés amis. C'était une autre chose. Alors, quant à Michel Léris, ça a été probablement une des personnes les plus proches de Bacon. Mmh. Moi, j'ai connu Bacon tout simplement parce que j'étais très lié, très ami avec Michel Léris. C'est Michel qui m'a fait connaître Bacon. Nous sommes devenus à notre tour amis. Et voilà comment c'était une chose qui se passait. Mais Michel Léris a été du début où ils se sont connus, c'est-à-dire en 65, jusqu'à la mort de Michel Léris, un personnage considérable pour Bacon. C'était quelqu'un qui le soutenait, qui l'a introduit, et même Bacon trouvait qu'en France, on était léger dans l'appréciation de Michel Léris. Et les autres peintres, Graham Sutherland, par exemple, mais aussi Lucian Freud Alors, ça c'est autre chose. Graham Sutherland et Lucian Freud ont beaucoup compté pour Bacon à certains égards comme amis. Je pense qu'il était plus réservé, même vis-à-vis de son vieil ami qui le fascinait tant comme modèle, Lucian Freud, en tant que peintre. Il n'avait pas pour eux... Ça, c'est les rapports de Bacon avec les artistes. Peu. C'était des concurrents, peut-être aussi. Non, ce n'était pas de vrais concurrents. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas de combat possible entre... Lucien Freund est un artiste magnifique, mais à côté de Bacon, il ne pouvait pas. Il le savait lui-même, du reste. Il le savait lui-même. Mais Lucien Freund avait acheté des tableaux magnifiques de Bacon. Oui. Alors, Francis Bacon va mourir le 28 avril 1992 à Madrid. Que faisait-il à Madrid alors qu'il était déjà très malade et que ses médecins lui avaient déconseillé, puisqu'il avait un cancer du rein, de quitter l'Angleterre? Oui. Écoutez, il allait voir un de ses amis à Madrid, tout simplement, et au fond, il a été puni en quelque façon comme il a vécu. C'était l'histoire de sa vie. Et de toute façon, l'Espagne avait pour lui aussi beaucoup d'intérêt. La corrida, tout ça, tout l'intéressait. Il aimait beaucoup Madrid, il aimait beaucoup Barcelone, il aimait beaucoup l'Andalousie. Il avait un goût de l'Espagne, oui, tout à fait. Et puis, il y était passé beaucoup pour aller à Tanger, enfin, tout ça. Il était familier de l'Espagne. Alors, ça le fascinait. Et puis, en plus, il y avait un ami, il y avait tout ça. Bon, tout était fascinant. Mais ceci dit, à ce moment-là, je me souviens très bien, quand on a annoncé sa mort, oui, c'était assez terrible de penser ça. Oui. Est-ce qu'il est allé voir On ne s'attendait pas à la mort de Bacon. Au Prado, une dernière fois, par exemple, Velázquez. Vous savez, c'est assez intéressant, parce que Velázquez, le portrait du pape à Rome, il n'allait jamais le voir. Il l'évitait, parce qu'il l'admirait trop. Alors il avait peur d'être déçu par la réalité, donc il n'y allait pas. Il paraît qu'il est mort dans un hôpital tenu par des sœurs, lui qui était particulièrement athée. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça m'évoque qu'il était au fond revenu au lieu de la crucifixion. Merci Yves Perret. Pour aller plus loin, on peut lire de vous le livre Francis Bacon ou La mesure de l'excès, publié par les éditions Gallimard. Vous reviendrez sur France Culture la semaine prochaine, mercredi 9 octobre, dans Les Chemins de la Philosophie, et vous nous parlerez du thème de l'excès. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Tout de suite, c'est en compagnie des revues proposées aujourd'hui par vous, Valérie Toragnan, directrice de la Revue des Deux Mondes. Bonjour Valérie. Bonjour Mathieu. Alors vous avez choisi de mettre Michel Houellebecq en couverture de ce nouveau numéro de votre revue avec une réflexion sur le rôle de l'Église. Effectivement, si l'Église catholique retrouvait son ancienne splendeur, pourrait-elle réparer notre civilisation endommagée? C'est la question posée par une revue catholique américaine à Michel Houellebecq et qui a donné naissance à un dialogue entre notre grand romancier pessimiste national et Geoffroy Lejeune. Leur échange, que nous reproduisons dans ce numéro, est un état des lieux très critique sur le long suicide entamé par l'Église depuis des siècles. Pour Michel Houellebecq, il faudrait que le rituel catholique se rapproche du rituel orthodoxe, que l'Église limite ses interventions dans les domaines qui ne sont pas directement de son ressort, la recherche scientifique, le gouvernement des États, l'amour humain, et que sa liturgie, pourquoi pas, s'inspire du pentecôtisme. L'homme est avant tout un être de chair et d'émotion, il serait bien de ne pas l'oublier. Alors le grand dossier de ce numéro est consacré à l'esprit français. Que serait donc selon vous cet esprit français ? Comment le définir ? Chacun aimerait le capter, mais personne ne sait ce que c'est, constate Marin de Viry. Il est provisoirement fini, mais il est éternel, un peu comme la foi chez celui qui la perd. Les Anglais ont Shakespeare, les Allemands Goethe, les Italiens Dante, les Français, eux, ont l'embarras du choix. Trop d'excellents esprits. Commençons par Rabelais. Notre pays a commencé à briller dans l'Europe littéraire avec l'auteur de Panurge qui, après les satires médiévales, incarne au mieux l'esprit comique qui serait le propre de la modernité, écrit Jacques de Saint-Victor. Cet esprit a été anéanti par le grand siècle et la suffisance de la cour du roi Soleil où aucune dérision n'était autorisée. En 2019, déplore l'historien, triomphe désormais ceux que Rabelais qualifiait d'agelas, c'est-à-dire ceux qui ne rient jamais et qui haïssent le rire. Tous ces fous du politiquement correct qui croient détenir la vérité, que ce soit celle de Dieu, de la nation, d'une église, d'une secte ou de toute autre chose. Le XVIIIe siècle est le siècle des esprits brillants et des lumières, la rencontre de la superficialité mondaine et de l'efficacité philosophique, écrit Michel Delon. Un art de vivre aristocratique s'y allie à un besoin de liberté partagé bien au-delà des élites. Les étrangers sont séduits ou bien exaspérés par ces Français qui glissent à la superficie des choses et ne prennent rien au sérieux. Pour Métine Arditine, enfin, c'est le panache de Cyrano qui définit le mieux l'esprit français. Ce qui a de l'allure, ce qui enlève, ce qui est beau. Mais c'est aussi ce qui est coûteux, ce qui entrave et ne protège pas de la pluie. Un périlleux modèle, nous dit l'écrivain suisse, auteur du dictionnaire amoureux de l'esprit français. Alors Régis Debray est également à l'honneur dans ce numéro. Il y compare les mérites de Stendhal et de Hugo comme grand écrivain national. Mais s'il y a esprit français, est-ce que ce n'est pas justement Stendhal et Hugo à la fois ? L'art d'être français, s'il y en a un, est effectivement un art de composition, explique Régis Debray. Un jeu entre Stendhal, version basse, et Hugo, version haute. Disons entre l'esprit de cour, qui se transforme en esprit de salon au XVIIIe siècle, et l'esprit de café, celui du neveu de Rameau, de Prévert, du surréalisme, dit-il dans ce grand entretien. Au panache stendhalien, Régis Debray, on l'a compris, préfère résolument Hugo, le géant, visionnaire, humaniste et mystique. A-t-il eu pour autant son moment stendhalien, lui qui avait choisi le pseudo de Fabrizio durant ses années révolutionnaires ? Il le reconnaît sans peine. Nous avons tous été stendhaliens, car nous avons tous été jeunes. Mais, poursuit-il, nous sommes en train de passer du moment stendhalien au moment Hugo. La société de Stendhal est avant tout celle du tout à l'ego. Hugo est plus contemporain, puisqu'on sent bien que la société des individus est à bout de souffle. Merci Valérie Toragnan. Tout cela est donc au sommaire de la Revue des Deux Mondes, actuellement en kiosque. C'était la Compagnie des œuvres, une émission de Laurence Millet, Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Hélène Rivière, Didier Pinot et Jean Frédéric. Nous parlons de Bacon jusqu'à jeudi, à commencer par demain, à poursuivre même jusqu'à demain. Nous ferons le parcours de son œuvre avec le critique d'art Philippe Dagen.